Bonjour, vous m'offrez une chopine? Ah bah non, je vous offre pas de chopine cette fois-ci, mais ce mois-ci, je vous offre les histoires de Montaigu. Dès leur naissance, les habitants d'Azeroth apprennent à anticiper combats et conflits. Ils sont environnés de bêtes féroces et d'ennemis impitoyables. Ils doivent prendre les armes pour se protéger des prédateurs. Ils sont forcés d'accepter la mort de leurs amis, de leur famille, de leurs concitoyens, des membres de leur clan ou de leur guilde. Les survivants ont souffert, c'est certain, mais ils sont devenus plus forts. Ils ont appris à renforcer leurs murailles, à s'associer à de nouveaux alliés et à élever des enfants vifs, résistants et prudents. Ils s'adaptent, ils changent. Peu d'endroits en Azeroth illustrent mieux cette philosophie que les hautes terres du crépuscule. Les Hautes Terres ont été un foyer d'agitation tout au long de l'histoire, où des races et des factions ont prospéré et se sont effondrées dans une ronde incessante. La ville-forteresse de Grim Battle a abrité tour à tour trois groupes puissants. Les nains marteau-hardis, qui l'ont abandonnée après qu'elle ait été maudite et rendue inhabitable par leurs cousins les sombres fers. Le vol draconique rouge, qui a été forcé de combattre pour la Horde au cours de la Deuxième Guerre, lorsqu'ils ont été asservis par les orques gueules de dragon. Et bien sûr, les gueules de dragon eux-mêmes, qui furent chassés de Grim Battle lorsque le vol draconique rouge s'est libéré de leurs griffes. Les gueules de dragon s'accrochent aux lisières des Hautes Terres. Ils sont aussi sauvages et difficiles à combattre que lorsqu'ils gouvernaient Grim Battle. Mais leur connaissance des dragons et de la guerre est impossible à ignorer, surtout au milieu du chaos de Cataclysme. Les nains marteau-hardis vivent dans les avant-postes sur les pentes boisées des montagnes. Ils entretiennent de longue date des relations amicales avec l'Alliance, et sous l'impulsion de leur cousin, le clan Barbe de Bronze, ils commencent à se demander s'ils ne vont pas s'allier plus étroitement avec Hurlevent et Forgefer. Même le puissant vol draconique rouge a souffert grandement au cours de ces derniers mois. Ses membres ont été décimés par le vol draconique noir, plongés dans une frénésie agressive, qui lance d'incessantes attaques depuis les frondaisons pétrifiées de la forêt d'obsidienne. Au milieu de tout ce tumulte, un nouveau pouvoir s'est emparé des Hautes Terres. La région a porté de nombreux noms au cours de son histoire. Elle a été baptisée du Crépuscule que par ses maîtres actuels. Les sectateurs fanatiques du Marteau du Crépuscule apprécient ce nom, mais pour eux, le morceau de terre dont ils ont choisi de faire leur quartier général a bien d'autres attraits. Il est entouré de pics qui poignardent le ciel comme autant de griffes gelées, rendant une invasion par la terre à peu près impossible. Les plages de verre noir garantissent que les attaques par la mer tourneront mal. Les vaisseaux qui s'approchent de la péninsule risquent de s'échouer. Plus important pour le culte ici, la terre elle-même parle d'extinction et de changement. Dans la pénombre des Hautes Terres, les ombres sont plus profondes. Le soleil et le reste d'Azeroth semblent plus lointains. Les éléments sont plus accentués. Le feu brûle davantage, la pluie laboure le sol, la terre tremble, frissonne et s'agite. Tout cela n'effraie pas les sectateurs du marte du crépuscule. Cela les berce. Ici, ils peuvent accomplir leur œuvre ténébreuse d'une manière impossible à réaliser en Silithus. Ils entraînent leurs fidèles dans les salles d'immenses forteresses, pas dans des misérables petits avant-postes. Ils invoquent des élémentaires aussi dangereux que capricieux qui se haïssent et se font la guerre, mais qui interrompent leur combat momentanément pour travailler à la destruction des autres races. À l'extérieur des Hautes Terres, le culte est divisé. Ici, il est guidé dans sa mission de destruction par certains des individus les plus cruels de l'histoire. Et les rares noms connus ne représentent qu'une fraction de ses véritables dirigeants. Ces chuchoteurs ténébreux n'ont pas choisi les Hautes Terres comme base d'opération par hasard. Ils peuvent sentir la présence des dieux très anciens dans l'air et voir leur victoire dans les ténèbres. Le paysage changeant, les factions en guerre et les éléments pernicieux représentent ce que le monde pourra devenir lorsqu'il aura été purgé de toute vie et de tout ordre. Le reste d'Azeroth suivra les Hautes Terres du Crépuscule dans le néant, d'une manière ou d'une autre. Au cours d'une guerre civile sanglante entre les trois factions naines de Forgefer, la bataille des trois marteaux, les barbes de bronze évincèrent les marteaux hardis et les sombres fers des couloirs de l'ancienne cité montagneuse. Juste après cette défaite, les marteaux hardis s'aventurèrent au nord et bâtirent leur nouvelle demeure, Grim Batol, dans les montagnes connues aujourd'hui sous le nom de Haute Terre du Crépuscule. Même si les sombres fers travaillèrent sans relâche afin de construire un avenir meilleur, ceux qui établirent la ville de Torissan dans les Carmines ne pouvaient oublier qu'ils avaient un jour été chassés de Forgefer. Consumés par une soif de vengeance et un désir de contrôle sur la région naine de Kazmodan, les sombres fers menèrent un assaut sur les deux fronts, l'un contre les barbes de bronze de Forgefer et l'autre à Grim Batol contre les Martwardi. En dépit de leurs divergences passées, ces deux rivaux unirent leurs forces et chassèrent les sombres fers de Kazmodan, décimant les armées du traître, le sorcier Torissan. Pourtant, cette victoire entraîna de graves conséquences. L'attaque de Grim Batol fit couler beaucoup de sang. Parmi celui-ci, le sang de la reine et épouse de Torissan, Moktun, qui entacha à jamais les murs de la forteresse. Alors que les barbes de bronze reconstruisirent leur glorieuse cité de Forgefer, les Martwardi furent marqués à jamais par les horreurs dont ils furent les témoins à Grim Batol. C'est ainsi qu'ils abandonnèrent leur foyer maudit et ne revinrent jamais. Les couloirs de la cité abandonnée abritèrent par la suite un grand nombre d'événements funestes. Lorsque l'âme du démon fut découverte par le clan Gueule de Dragon et utilisée pour forcer les Drakes d'Alexstrasza à servir la Horde, Grim Batol devint la terrible prison de l'aspect draconique rouge. Les Gueules de Dragon furent maîtres des lieux pendant la Seconde Guerre, avant qu'ils ne soient chassés par Eldemort qui convoitait les œufs d'Alexstrasza. Alors qu'Eldemort poursuivait l'exécution de son plan, l'âme du démon fut détruite, et les pouvoirs qu'elle renfermait allèrent à Alexstrasza, Izera, Nosdormu et Maligos. Elle demeure parvint à échapper de justesse à l'attaque des quatre aspects dont la puissance avait été décuplée. Toutefois, avant de s'enfuir, il réussit à s'emparer des œufs d'Alexstrasza. Suite à leurs vils outrages, les fuyards du clan Gueule de Dragon furent anéantis. Des membres du Vol Rouge eurent pour tâche de veiller sur Grim Battle, et pendant des années, ils réussirent à protéger les salles de toute intrusion. Jusqu'à l'arrivée du Marteau du Crépuscule, un sinistre culte qui vénérait les dieux anciens maléfiques d'Azeroth. Séduit par la soif d'Eldemort de domination absolue sur Azeroth, le culte du Marteau du Crépuscule revendiqua les Hautes Terres du Crépuscule comme base d'opération. Le Vol Noir chassa les membres du Vol Rouge qui gardaient Grim Battle afin que la forteresse puisse être utilisée pour former les serviteurs d'Eldemort. Les salles de Grim Battle s'enfoncent si profondément dans la montagne que nul ne peut prédire à quelle terrible fin le Marteau du Crépuscule tente d'aboutir. Répondant à l'appel du Vol Rouge, les héros devront se rendre dans les Hautes Terres du Crépuscule afin de mettre un terme aux sinistres machinations qui se trament dans Grim Battle. La sauvagerie des ennemis qui hantent ces lieux n'est pas à être sous-estimée. Et grâce à l'aide de courageux drakes rouges et une poignée d'explosifs, les héros pourront décimer les rangs des occupants de Grim Battle à travers des bombardements dans les couloirs de la cité en ruine. Néanmoins, quel que soit le résultat de ces attaques, le général Umbris ne permettra pas à son armée de tomber si rapidement. Et en fin de compte, les aventuriers seront laissés à eux-mêmes, s'aventurant dans les profondeurs de la forteresse naine, là où un ennemi cauchemardesque prend forme. Serez-vous capable de découvrir les secrets de Grim Battle et d'en sortir indemne? Votre destin sera-t-il scellé dans cette cité tourmentée, comme tant de héros avant vous?